À l'occasion du 17e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 15 juin, le Comité pour la réunification pacifique de la patrie de la République populaire démocratique de Corée a publié le 14 juin une déclaration qui dit « Une brèche aurait été ouverte pour la réunification de la patrie vue de la nation si le Nord et le Sud avaient progressé sur la voie indiquée par la déclaration commune du 15 juin, jalon du nouveau siècle pour la réunification, et la déclaration du 4 octobre, programme pour son application. Mais à cause des États-Unis ambitieux d'empêcher à tout prix la réunification de notre nation et des menées de confrontation des pouvoirs conservateurs pro-américains instaurés successivement sous la manipulation américaine, les rapports Nord-Sud orientés vers la réconciliation et la prospérité sont en état catastrophique. Et il est difficile de trouver les traces de l'époque du 15 juin qui étaient considérées comme une grande fierté. Le forfait des traîtres Lee Myung-bak et Park Geun-hye qui ont dressé tant d'obstacles devant notre nation et retourné le courant de l'histoire, au lieu de contribuer tant soit peu à la réunification, sont impardonnables et seront jugés par l'histoire. Toute la nation désire que soient supprimés aussi vite que possible tous les abus de ces 9 dernières années où les sionistes se sont acharnés et que toute la péninsule du Mont Baektu au Mont Hanna soit animée de l'ardeur pour la réunification indépendante. Tous les Coréens doivent être déterminés à porter plus haut le drapeau de l'indépendance et de l'idéal entre notre nation pour contribuer au développement des rapports Nord-Sud et à l'œuvre sacrée de la réunification nationale. Les autorités sud-coréennes sont tenues de bien savoir que la voie sera ouverte à la réunification et qu'un avenir radieux sera promis à la nation si elle renonce à l'hostilité et à la confrontation et accepte la vérité selon laquelle il faut favoriser la cohésion de la nation. Il faut prendre en hâte des mesures pour atténuer la tension militaire dans la péninsule coréenne. Voilà notre attitude invariable. Les autorités sud-coréennes ne doivent pas oublier qu'elles sont devant cette alternative. Collaborer avec nous pour améliorer les rapports intercoréens et contribuer positivement à l'histoire nationale, ou suivre l'intention des forces extérieures et hésiter pour enfin subir le sort lamentable comme les prédécesseurs. Opérer un grand tournant dans les rapports Nord-Sud, conformément à la nouvelle situation où nous sommes devenus une puissance des armes nucléaires et des fusées, et ouvrir une large voie à la réunification indépendante, voilà notre attitude inébranlable.